samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Installez-vous confortablement, on a deux bonnes heures devant nous de bon rock progressif et on va amorcer la première demi-heure avec une nouveauté qui n'est pas tout à fait nouvelle. On parle ici de Rovecchio della Medaglia, un groupe légendaire des années 70 en ce qui concerne le prog italien. En fait, c'est le premier album, la Bibbia, qui a été complètement réenregistré et réarrangé pour souligner le 50e anniversaire du lancement de ce premier album. Peut-être pas l'album le plus connu de RDM, si vous me permettez le raccourci, plutôt Contaminazione, qui en 73 a vraiment révélé le groupe. La nouvelle version de la Bibbia compte une pièce, trois pièces bonus en anglais. On va en écouter une d'entre elles. Et puis on aura aussi Mark Murdoch, on en avait parlé la semaine dernière, qui nous arrive encore avec un nouvel album, un gars productif. Cette fois-ci, il s'est associé à Dimitri M. Epstein. Et le titre de l'album, c'est Oblivion Bound. Et puis Marc, qu'est-ce qu'on a d'autre au menu? Oui, c'est l'artiste Max Hunt dont on parlait la semaine dernière en tout début d'émission. On aura un second extrait de son nouvel album Hope. On sait que Max Hunt est le claviériste, guitariste, bassiste, chanteur et percussionniste dans la formation Fragile, qui a débuté comme un hommage à Yes. On aura la pièce donc Christian and the Toad. On aura également un second extrait de la nouveauté de la formation espagnole Quercunian Camerata, dont on vous parlait la semaine dernière, l'album Ponce. On aura la pièce Hidden Treasure Act 1. C'était leur second album, le premier était paru en 2015. On aura également, parlant de second album, un extrait du second album de la formation Glacier, dont on parlait également la semaine dernière, ils sont du Royaume-Uni. Le titre de l'album, c'est Ashes for the Monarch. On aura la pièce Hell and High Water. Et également, ne manquez pas, à 22h30, un spécial d'une heure avec la formation canadienne Monarch Trail. Et on aura Ken Baird, le compositeur de cette formation, qui sera avec nous. Donc, on y va en musique donc pour ce bloc avec Rovecchio della Medaglia, Mark Murdoch and Dimitri M. Epstein, Max Hunt, Quercunian Camerata. Slow, bed by bed, answer you. I'm sure you will remember. so mad at myself. I'm the only one who let it burn. I am still possessed. The grief that I sell, eaten by regrets, no way to turn. Vanishing point, no one will see me. Whipping post, when no one will save me. Wishing well, but no one will find living hell. A piece of mind. Slave of fate, going down in style. It's good or ain't it, pants? I'm gonna faint, but it's too late to be safe and to be sorry. If I vanish, I have lived in vain. It's no Avalon, I'll find no glory. If I stay, I'll turn into a stain. Vanishing point, no one will see. Disappear, appease me. You're all that I hold dear. Free me, I'm my own greatest fear. Free me, the end is drawing near. Thank you.

samedi soir de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Tel qu'annoncé en début d'émission, ce soir, on a un spécial sur la formation ontarienne, originaire de Dundas, pour être plus précis. Donc, formation ontarienne Monarch Trail, un groupe qui a été mis sur pied par le claviériste, chanteur et compositeur Ken Bird en 2014. Ken, avant ça, même, a mené une carrière solo avec cinq albums enregistrés entre 1996 et 2009. Un de mes préférés, c'est Fields. Et puis, il a décidé de s'entourer d'un groupe pour Monarch Trail. Donc, un premier album en 2014. Et puis, il y a trois albums à ce jour. Sand en 2017 et tout récemment, et c'est là l'excuse pour le spécial, Wither Down en 2021. Et ce soir, on a Ken Bird lui-même qui va nous présenter les pièces de ce spécial. Je laisse la parole à Ken. Bonjour mes amis, it is Ken Bird from Monarch Trail. Big thank you to Michel for doing this program, this feature program on our band. And first song is Luminescence from the 2014 album Sky. And this is a song that introduces the character of Sky, and she kind of carries over to the next album as well, over to Sand. So we hope you enjoy Luminescence. And so we dream of Feast of 50 is the instrumental from the Sky album, heavily featuring Kelly Karaluk on guitar, and it's an older song for me. It was probably written around 1992, but it was really nice to bring it out finally, and we changed up quite a few things about it, including some of the time signatures I think were new. Anyway, we hope you enjoy East of 50. Thank you. Missing is actually a song that was missing from the Sky album, and so I carried that over to the Sand album, which may have been why I decided to carry the story over generally as well. It's a little bit of a melodramatic lyric, a little bit depressing, but hopefully it's a good enough song, and we hope you enjoy Missing.

Amateurs de groove, de funk, de jazz, de soul et surtout d'afrobeat, tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous. Messieurs Dynamite. Messieurs Dynamite, c'est quatre animateurs qui se partagent chaque semaine la barre de cette émission riche et colorée. Vendredi soir, 18h30, au 89. Salut, c'est Sébastien Lacombe. Écoutez mon nouvel album « Fly » en diffusion à CKRL 89.1 Québec. I was born to fly. I was born to fly away someday. Like the birds when come the winter winds. Samedi soir de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. On poursuit notre spécial sur la formation ontarienne Monarch Trail et je vous laisse avec le principal compositeur et claviériste du groupe, Ken Bird. Back to the start, it's a song where, especially in the introduction, and maybe a few of the other parts too. It gets a little bit too close to some IQ songs from around the time of The Wake, but nevertheless, I love IQ. I've been to Quebec several times to see them, as well as the United States. They never seem to play Ontario, but anyway, getting back to the song, the second half of it certainly goes through a lot of different changes. I think it's a nice one, so I hope you enjoy it. Thank you. Charlie's Kitchen, it's a little bit of a thing that just came out of, I was waiting for students to arrive when I was teaching piano. So this would be one of these things I would just start playing. I don't really know where it came from. But yeah, named after an SCTV sketch from 1981. Hope you enjoy it. Thank you. third song on the album, Canyon Song, it's certainly the title came from the drums. I mean, the lyrics came second, so it was when Chris was playing these very big sounding toms, and we put all the reverb on them. I thought that sounds like a big canyon. So that's where the lyrics kind of started, and some great guitar solos from Kelly on here, and yeah, just a neat track, one of the shorter tracks, but it's a neat one. Escapes. Oh, now and now is mine. Kinds of Futures is the final track of the album, and it has quotes from all the different themes from all of the songs at the record. It's very much like Los Endos that way, where it tries to sum up everything that's gone on. And an interesting thing at the start of the song, I did an introduction where there's French horn. I didn't want to play it on keyboard. I wanted to do the real thing, so I rented a French horn. It was an interesting experience. Anyway, we hope you enjoy All Kinds of Futures.

pour le meilleur album de Tangente. Moi, j'ai encore un faible quand même pour le premier, mais j'avoue que celui-ci est vraiment très bon, et c'est ce qu'on écoute à l'instant de Tangente. La famille nucléaire. pie pudding. Grab some mellow from the kitchen on the rack. I'll make some chocolate, head to bed with a book, get ready for the day. Tomorrow looks the same as the same. DJs on computers, finding factoids again. Jams and supervisors. When are you seem so far away. You can't take it with you. Let's try just another day. We'll be right back.